pas pipi dans un coin. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Eh ben, bonsoir, bonjour, enfin peu importe, à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Critique-moi si tu peux, avec la bande habituelle, Monsieur Arnaud. Bonsoir. Monsieur Pierre. Bonsoir. Monsieur Antoine. Bonsoir. Madame Sylvia. Ça fait très Madame Claude, mais bonsoir quand même. Ça fait très Sylvia Christelle, hein. Là on parlera d'Emmanuel plus tard. Eh ben, bienvenue dans ce cher podcast où aujourd'hui... Nous allons avoir l'objectif de parler de sortir l'épisode. L'objectif de sortir l'épisode déjà, c'est pas mal. De sortir l'épisode, voilà, d'arriver à faire l'enregistrement, ce que nous arrivons à faire, mais aussi de le monter, de le sortir, ce qui n'a pas été le cas de notre dernier podcast, pourtant fort intéressant. Peut-être mettre notre meilleur. Sûrement. Certains disent que c'est l'œuvre inachevée, c'est le l'épisode perdu. C'est le Dune de comment il s'appelait là. Jodorowsky. Le Dune. Jodorowsky. Ouais, voilà. Je pense que sur Arte, il y aura un épisode sur notre dernier épisode qui était sur The Thing. Que Pierre avait choisi, donc on a un podcast perdu, peut-être qu'un jour il sortira en version Director's Cut. Oublié, Director's Cut. En tout cas voilà, on s'était donné rendez-vous pour The Thing, on s'est loupé, et donc on se redonne rendez-vous pour un autre film, avec une contrainte qui était fixée par Arnaud, qui était la montée du désir, oui. C'est ça, Arnaud ? L'exaltation. Ouais. Voilà, donc toi, tu avais fantasmé. Enfin, pour moi, c'était on est tous pas d'accord, personne n'est d'accord sur le thème en fait. Tu avais fantasmé une contrainte et un film, et de toute façon, c'était sans compter sur Antoine, qui lui, de toute façon, même si tu lui donnes un caviar, une passe en retrait, un plat du pied qui marque, lui, il loupe le but devant, à un mètre du but, et donc Antoine. Lui, il tire au-dessous doit de la être au gouvernement quoi. Et à la CNC, je pense. Ouais. A choisi de présenter le film qu'on a présenté aux Oscars et qui n'a pas gagné, on se posera la question de pourquoi, La Passion de Dodin Bouffant. Gabriel sort de ce corps. Voilà. Alors, quelques petits mots sur ce film, donc La Passion de Dodin Bouffant, un film très récent, on est rarement autant dans l'actualité, sorti en 2023, hein, donc normalement on n'a pas frôlé l'indigestion encore. Ah ouais, ouais. Hein, oh là là, allez les métaphores, là on y va. Un film de Tran Anh Hung. Je ne sais pas comment on prononce ça, vous m'excusez. Tran Anh Hung, ouais. Voilà. Et avec, pour acteurs principaux, qui sont pratiquement les seuls, hein, Juliette Binoche et Benoît Magimel. Quoi dire, quoi dire ? En fait, je crois que je vais devoir te passer la main très rapidement, Antoine, parce que je ne sais encore que dire. Donc, Antoine, je te rappelle le concept, hein, c'était la montée du désir. Je le répète une dernière fois au cas dans où. Dans le titre, il y avait la passion. La montée du désir, la passion, enfin ce que tu voulais, mais s'il y avait un côté érotique... Pourquoi as-tu choisi ce film et l'avais-tu vu ou as-tu profité de ce podcast pour toi-même découvrir un film ? Bon, je vais crever l'abcès. J'ai profité de ce podcast pour découvrir un film, hein, mais comme je le fais bien souvent. Et voilà, je l'avais dit. Non, alors pourquoi ce film ? Cannes 2023, donc l'année dernière, il s'est fait littéralement bouffer par, sans faire de jeu de mots, par Justine Triet en fait. Et en fait, ce film, pendant toute l'année, j'entendais souvent parler de lui. Et comme tu as dit, il aurait dû aller au César, il n'y a pas été. Enfin bon, à chaque fois, il y avait toujours l'ombre d'anatomie d'une chute qui planait au-dessus de lui, en fait. Et de faire une métaphore sportive, un peu comme quand il y avait, c'était quoi, Ayrton Senna et Alain Prost, où il y en avait toujours un qui était premier et l'autre qui était toujours second, en fait. Bon, là, en l'occurrence, c'est deux qui étaient très bons qui arrivaient à gagner, mais... On va bah, dire Poulidor. Je suis pas sûr qu'il ait gagné beaucoup, tu vois. Non, mais tu sais, cette espèce de dualité qu'il peut y avoir, où il y en a toujours un qui est devant, et au final, l'autre, c'est l'éternel second, tu vois. Et en fait, ce film, moi, j'en avais entendu parler, je voulais profiter pour le voir, et je savais que ça parlait de nourriture, et les critiques que j'avais entendues, donc soit au Masque et la Plume, soit un podcast qui s'appelle Réaliser sans trucage, en fait, me donnaient envie de voir ce film. Donc je savais que ça parlait de bouffe, et c'est vrai que la bouffe, c'est aussi une montée du désir. Hein. Attends, parce que le Masque et la Plume, ils l'ont plutôt détruit, le film, hein, quand même. C'est là où je... Ah bah écoute, tu vois, ouais, bah, en tout cas, le podcast réalisé son ouais, trucage, ouais, eux m'ont donné vraiment envie, peut-être qu'eux d'ailleurs, hein, effectivement, le Masque et la Plume, je sais plus. Mais eux, c'est sûr que oui, ils avaient tous aimé, ils étaient tous dithyrambiques. Et donc après, bon, il y a le sujet, la montée du désir, tout de suite, j'avais pas envie de choisir un film qui parlait de sexe parce que c'est déjà assez intime. Ah, la montée du désir, c'est pas que sexuel. Non, non, mais si j'avais pris un truc sur le sexe, si tu veux, le sexe, souvent, si, suivant ce que je mets comme film... Charlie et la chocolaterie, c'est un film sur le désir. Le désir du chocolat. Je l'ai pas vu, celui-là, je connais pas. Ah. Voilà, donc c'est vrai que j'en ai discuté avec Sylvia, et puis ben, c'est Sylvia qui m'a dit, bah tiens, pourquoi pas la nourriture. C'est vrai que la nourriture, c'est aussi... Ah bon c'est toi, Sylvia, qu'il faut accuser. Attends, j'ai pas parlé de ce film, j'ai parlé de la nourriture. J'ai dit que t'as parlé de la montée du désir, c'était pas forcément le sexe, ça pouvait être autre chose. Ça pouvait être effectivement la nourriture, et là, effectivement, bah, m'est venu ce film. Ça pouvait être un bon film aussi, non? Est-ce qu'un bon film, ça peut être une montée du désir? De se dire, tiens, je vais me voir un bon film. Je pense que la nourriture, c'est plus universel qu'un film, tu vois. Je pense qu'on est une plus grande majorité à aimer bien manger, tu vois. Que regarder un bon film, bon, c'est sûr que sur Terre, il y a plus de gens qui mangent que de gens qui regardent des films. Ouais. Donc, c'est plus universel. Et après, moi, j'ai trouvé qu'effectivement, donc, je vais pas dévoiler ma scène préférée, mais bah, dans cette scène-là, il y a quand même une montée du désir. Et je trouve que c'est une scène qui met. Alors, il y a une tension sexuelle alors que les deux personnes sont habillées et mangent. Enfin, elles ont même pas des propos. On n'avait pas vu la première moitié avant que tu le choisisses officiellement. Non, non, on avait vu la première. Non, on s'était dit, je vais le regarder, on va le regarder, parce qu'on l'a vu en deux fois. On va le choisir et enfin non. C'est pour moi qui l'ai choisi. Je vais le choisir, on va le regarder et en le regardant, bah moi j'ai trouvé qu'il y avait cette montée du désir effectivement qui passait à travers la nourriture. Et aussi moi ce qui m'a plu, c'est que je trouvais ce film super beau en fait. Enfin. L'éclairage, je ne sais pas quelles sont les inspirations du réalisateur. Alors moi, le réalisateur, je ne le connais pas. Hein. Je crois d'ailleurs que malgré son patronyme, c'est un Français, le type. C'est un peu raciste ce que tu dis quand même. Bah, non. Bah, tu sais, quand tu vas dire, moi, je le connais. Famille, la nationalité. Tran Anh Hung, c'est quand même très français. Moi, je l'ai vu, ce réalisateur. Et il était passé à la Cinémathèque il y a très, très, très longtemps pour présenter... L'odeur de la papaye verte, mais il était très jeune à l'époque. Hein. C'était il y a. Non, parce que c'est une personne, je crois. 30 ans, je sais pas. Ouais. Qui doit avoir une cinquantaine ou 60 ans même. Hein. Il avait déjà cette douceur dans la façon de filmer. Enfin voilà, c'est. Et moi, j'ai trouvé. On est toujours en train de critiquer les films en disant qu'est-ce qu'ils sont moches. Bah, moi, j'ai adoré l'éclairage. Je sais pas de quel mouvement artistique, quel peintre il s'est inspiré, mais c'est clair qu'il y a des, moi il y a des moments, il y a des, je vois des tableaux en fait, hein, ça s'anime. Alors, et donc voilà, donc la montée du désir à travers la nourriture, un film que je trouve moi esthétiquement joli. Le seul reproche que j'ai à faire, bon, je le ferai peut-être plus tard, je vais vous laisser la main si on fait un petit tour rapide. Petit tour de table rapide, mais voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un ou deux plans, voilà, ça me faisait penser à ce genre du Monet, je sais plus c'est quoi, impressionnisme, je crois, je suis pas sûr. Monet. Si. Monet, quelque oui, c'est ça. Ouais, c'est pas Vermeer aussi, tu sais, celui peut-être. Qui peint la laitière, moi ça m'a fait penser à ça. Un peu de ça aussi, hein, mais je pensais à un décor à un moment où ils sont dans une sorte. Non, de... non, la jeune fille à la perle plutôt, je dis n'importe quoi, la laitière. La laitière, ça me fait penser à un yaourt, moi, mais bon. Ouais, mais un peu dans l'esprit. Mais un peu dans l'esprit, ouais, je suis d'accord. Et voilà, donc moi j'ai été charmé par la nourriture, j'ai été charmé. Par, bah, c'est une histoire d'amour, moi j'ai beaucoup aimé, et par la beauté plastique du film en fait. Donc après, c'est pas un film exempt de défauts. Voilà, mais je vais vous laisser la main et je reviendrai sur les défauts plus tard. Tu sais bien, tu manies l'euphémisme. Et... Alors, petit tour, on démarre par quoi là? Alors, qui peut être l'attaque, la défense? Bah, Sylvia, si tu. Non, Sylvia, on va laisser défendre le film, elle a l'air d'être. Je sais pas, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de défense. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de défense, Sylvia. Sur ce qu'on a ressenti. Sylvia qui va devoir défendre ce film. Bah, tiens, Arnaud, tu parles, qu'est-ce que tu en as ressenti? Parce que tu me l'as dézingué en pré-enregistrement. Tu m'as dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, Antoine n'a aucun goût. Alors. Non, j'ai plutôt m'asseoir sur du verre pilé, j'ai, tu m'as dit. Non, j'ai dit des trucs bien pires. Non, il me taquine. Mais j'avais un peu des a priori, je pense, sur le film. Et malgré tout, j'ai eu des attentes, j'ai eu du désir. Et il est redescendu. Et effectivement, je suis resté sur ma fin FIN pour le coup. Je pense qu'il a très bien traduit tout ce qui est, l'art, l'art de cuisiner. Les ingrédients, ça prend énormément de temps, on comprend bien que ça mijote, mais il n'y a pas, il y a, je trouve qu'il n'arrive pas, il avait tous les ingrédients aussi avec le couple. Il a deux super acteurs. Et alors, je pense que lui, il part sur le principe que le désir passe par... Oui, c'est ça un peu, c'est sur la frustration. Mais sauf qu'il y a... En fait, il nous manque un bout de leur histoire, peut-être. Et parce que ça fait très longtemps, 20 ans qu'ils sont ensemble, non 20, 30 ans, je ne sais plus combien de temps. Oui, c'est ça. Enfin, Cabos voilà. Pour lui, ça fait 20 ans qu'il pour lui. Nous, il nous manque des clés pour voir tout ça. Et donc, eux, ils sont dans leur délire, ils sont dans leur truc. Effectivement, ils se comprennent. Mais nous, ça reste un peu hermétique. J'ai voulu, c'est le cas de le dire, rentrer dans le truc. Et voilà, ils se font plaisir, ils sont dans leur entre-soi, ils mangent bien. Elle fait des super trucs. Elle super mange bien. Pas, elle. Si, on la voit manger avec elle. Le rythme, ça peut être très lent pour certains. Je pense que pour Seb, ça doit être interminable. Moi, au début, le rythme, je me suis dit, là, on y va, c'est comme ça. Et sauf qu'on reste un peu trop, là, sur ce rythme-là. On est bien, on est dans nos charentaises. Et je pense que justement, il y a le mot passion dans le titre. Et en fait, moi, j'ai hélas pas senti l'intensité, le machin, parce que il a la passion de la nourriture, mais c'est pas passionné. Je sais pas comment dire. Moi, j'ai cru qu'il allait avoir une histoire d'amour. Je me suis dit qu'ils allaient peut-être même faire des trucs dans la cuisine avec la nourriture. Je sais pas. Mais je me suis imaginé plein de trucs et je suis resté hélas. T'as pensé à 9 semaines et demie. Non, pas du tout, mais on pouvait... en plus, elle est belle, cette cuisine. Moi, j'ai une toute petite cuisine chez moi, mais j'aurais aimé cuisiner dans un truc comme ça. Ils ont des grandes marmites, ils ont... Le lieu est magique. C'est très beau, mais on ne... En fait, ça ne décolle pas, en fait. Le plaisir est toujours le même, alors qu'à un moment, il s'est pas exacerbé, c'est pas... Voilà, moi, c'est juste ça. Je suis en mode... J'ai fini le film presque en frustration. Alors que c'est ça qui est terrible, c'est que j'ai pas eu la passion et ouais, je m'arrête de parler, mais alors qu'il y avait, pour moi il y avait tous des super beaux ingrédients, il y avait des belles casseroles, il y avait une belle lumière, il y avait tout ce qu'il fallait. Il manquait un peu d'arôme quand même. Non mais Pierre qui cuisine apparemment plus que, tu devais sentir les odeurs des fois, hein, Pierre. Je sentais les odeurs, ouais. Ouais, on les sentait quand même les odeurs, on reparlera un peu, je monopolise pas la parole, excusez-moi, allez, à toi. C'est plus intéressant que le film ce que tu viens de dire. Pierre ? Je rejoins Arnaud sur pas mal de points, et je vais compléter du coup un peu en disant que moi, quand le film a démarré, je pense pendant une bonne demi-heure, j'étais là, mais il est trop bien ce film, vraiment, il est trop bien. Et puis, en fait, ça s'arrêtait là. Enfin presque, c'est vachement redescendu derrière, et c'est ça que j'ai trouvé dommage, et en effet, il y avait tous les ingrédients, je trouve. Alors peut-être qu'il a voulu tout mettre au début et que sur la suite il a cherché un truc qu'il a en effet jamais réussi à atteindre. Et ça me fait penser que la passion finalement d'Audin Bouffin, alors on discutera peut-être après, mais finalement la passion c'est peut-être pas la passion amoureuse ou érotique, c'est la cuisine, c'est tout quoi. Bah d'ailleurs ça finit là-dessus. Alors moi je pense que c'est la cuisinière, on sait pas trop. Non, à la fin il tranche. Il l'a choisi comme cuisinière et pas comme femme. À la fin il tranche. Ouais. Pour moi, c'est la cuisine, du coup. Ce qui revit grâce à la cuisine. Je suis d'accord. Et là où je me suis fait avoir, c'est que j'ai lu le synopsis avant. Et j'ai pas du tout eu le film que je pensais avoir en regardant le synopsis. Dans le sens où le synopsis, je sais plus où j'ai trouvé, me faisait comprendre qu'il allait genre se mettre à la cuisine pour la conquérir. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est qu'il est déjà cuisinier, il maîtrise déjà tout. Et c'est juste qu'il... Enfin, en fait, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir avec le synopsis que j'ai lu. Voilà, c'était pas tout à fait ce que je m'attendais. Je t'avoue, je savais pas trop où ça allait aller. Donc, à part les scènes où vraiment t'avais la cuisine, quand il cuisine avec les bruits, les images, le visuel, les odeurs que t'as pas, mais que tu peux imaginer justement, en fait, je trouve que ça, tout le reste, je pense, l'histoire d'amour, ou de pas amour, hein, justement, je trouve elle arrive pas à grand chose au final. Et l'effet à la fin qui dit, ouais, ok, il choisit entre la femme et la cuisinière, ok, très bien. Et moi je trouve qu'il manquait quelque chose. Mais je retiendrai des éléments du film, notamment une scène. Hein. Mais à part ça, voilà, malheureusement, il ne va pas m'en rester grand-chose. Merci. À moi, comme ça, on finira pas trop sur une mauvaise note. En fait, je suis toujours gêné pour critiquer ce genre de film parce que j'ai fait une Sylvia en regardant ce film. C'est-à-dire que. T'as regardé en 15 fois ? Je me faisais tellement chier. Sur ton téléphone. Je l'ai vu. Non, mais attends, pour vous dire, je l'ai vu. En fait, je me suis fait tellement chier que j'ai regardé en 3 fois. Et il y a un moment, j'ai regardé 2 fois. parce qu'en fait je me suis aperçu que je faisais autre chose en même temps et je me suis dit bah en fait je regarde même plus le film, je sais même plus de quoi ça parle. Et du coup je me suis obligé à me le remettre parce que en fait comme je trouvais qu'il se passait rien, bah j'ai pris ma tablette, je reconnais hein, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on apprécie un film. Et en fait je me suis surpris à, je savais même plus ce qui se passait, donc je l'ai revu parce que je me suis dit non mais attends faut quand même que j'y donne un peu d'attention. Et je suis vraiment emmerdé parce que je pense que je suis mais vraiment pas du tout le public. Après, je peux pas dire que le film se fout de la gueule du spectateur, donc c'est en ça que je veux pas lui taper dessus. Parce qu'il y a des films où vraiment on sent que ça se fout de la gueule du spectateur. Mais là, le film, mais pour moi, il tire à côté de son objectif. C'est-à-dire que, alors oui, la cuisine, allez, j'arrive à, quand vous dites, on sent les arômes. J'arrive à me dire, voilà, l'équivalent, tu fais les légumes, le pot-au-feu. Bon, ok, il y a ça, ok, mais ça, c'est 30 secondes. Mais globalement, t'as quand même l'histoire de deux passions qui se rencontrent. Une passion amoureuse, une passion cuisine. J'ai trouvé que la passion cuisine, malgré tout, si je peux reconnaître une qualité aux images, j'ai trouvé que ça faisait très catalogue d'infos. Quand à un moment, le vin, le truc, ça faisait genre... voyez, en fait, c'était un film pour l'export. Voyez, en France, on a ce vin-là. Voyez, à un moment, ils citent même la chartreuse. Ça m'a réveillé. Ouais, la chartreuse. J'ai dit, oh purée. Et j'ai trouvé que ça faisait très catalogue. La France, c'est ça, cette gastronomie. Cube de la genre, cuisine traditionnelle française, quoi. Voilà. Alors après, peut-être c'est moi qui l'ai mal perçu, ça. Mais bon, il y avait ce côté-là qui aurait pu être... pas mal, mais bon, j'ai trouvé qu'il était trop catalogue. Et puis, il y a cette passion amoureuse. Et alors là, mon Dieu, là, je trouve que l'alchimie, mais ça prend pas, quoi. Toi, on parle de monter les œufs en neige. Là, les deux, moi, j'y ai pas cru. Elle, quand elle... Je sais pas si on peut spoiler. Bon, il y a un drame à un moment. J'ai pas vécu le drame. C'est-à-dire que moi, normalement, ce genre de truc, ça, toi, ça attire un peu soit une émotion d'un coup et tout. Là, j'étais froid, j'étais hermétique. Et ça, c'est, pour moi, il n'y a rien de plus terrible. Et ça ne veut pas dire que le film est mauvais, mais moi, il ne sait pas me l'amener. Ouais, j'ai bien aimé aller les couleurs de la cuisine, mais l'histoire, il n'y a que la gamine, presque. Inversement, moi, Pierre, c'est la dernière partie. Avec la gamine, je dirais que c'est ça que j'ai le plus aimé, où il retransmet des choses à la gamine. J'ai trouvé qu'il y avait plus de vie entre lui et la fille. Enfin, là, je dis la gamine parce qu'elle est jeune. Ouais, mais c'est pas assez développé, en fait. Tu le vois 5 minutes, cette partie-là. Alors, oui, moi aussi, j'aurais un peu plus, voir plus. Un peu plus de 5 minutes. Un peu plus, il fait le poteau sur la fin. À la fin, il fait le poteau Non, mais je veux dire, je regardais l'heure. Hein. Je regardais les minutes passer. Je les ai vues passer, les minutes. Il y a un bon quart d'heure. Hein. Moi, dès le début, quand ils ont dit cette fille, elle a un truc, je me dis, j'espère qu'ils vont aller dans cette direction à fond. Et je trouve qu'ils sont limite pas allés assez dans cette direction. Carrément pas allé. Pensais à la fin que c'était elle qui allait le réveiller, entre guillemets, pas une cuisinière extérieure. Ah, c'est ça. Ouais, alors en plus, voilà, exactement, tu spoil un peu la fin, mais quelle loupée la fin, du coup, enfin, ce côté extérieur où moi j'arrive pas à le comprendre, lui, quoi. Alors, si, c'est peut-être la passion de la cuisine qui reprend le dessus, mais je trouve que c'est super mal amené. Moi, la scène où il met la bague dans le dessert, enfin, au secours, quoi, on l'a vu mille fois dans des séries. Ah, j'avoue que cette scène-là. Zéro. Les repas où on voit les autres, moi j'aurais aimé limite qu'on voit jamais les autres, les échanges avec les autres qui viennent et tout. Franchement, ça aurait été fort que le film n'y ait que 3 persos. J'aurais trouvé ça beaucoup plus fort. Même les médecins quand ils arrivent, non, tout ça tu vois pas. On aurait pu avoir tout en ressenti par sa façon de cuisiner, ou en tout cas je trouve que tout ce qui passe là, oui, mais il est dans le partage, mais quand non même. Mais il n'y a aucun moment sa façon de cuisiner elle change, ou son approche par rapport à ce qu'il vit, son émotion. Il y aurait pu, parce qu'à un moment, il y a cette dualité en disant, bah, finalement, il y a cette super cuisinière, et en même temps, il en est quand même amoureux, et avant qu'à la fin, tu sentes qu'il a pris le parti de la cuisine. Moi, je n'ai pas senti ce débat en interne. En fait, voilà, du coup, moi, je suis vraiment passé à côté. J'ai beaucoup de frustration, parce que, bah, voilà, Binoche, bon, j'ai rien contre elle, c'est d'ailleurs une bonne actrice. J'ai trouvé que les scènes, d'ailleurs, tu n'avais pas envie de faire un truc sur le sexe, mais pourquoi il filme les fesses de Binoche, quoi, ouais. Franchement, parce qu'il avait filmé la poire juste avant. Va au bout de ta loupe. Je sais pas si vous avez vu, il y a la poire, et puis après... Ben oui, c'est nul, ce plan-là. Enfin, il faut pas y aller là-dedans. Moi, je trouve que ça n'amène rien. Dans Binoche, ça fait penser à Bidoche. Hein. Ça n'amène rien dans le film. Faites-le taire, s'il vous plaît, faites-le taire. Je trouve que ça n'amène rien. Il y a deux plans, je crois, où on la voit nue. Enfin, ça n'amène rien. Magimel, voilà, moi, j'ai rien contre lui. Il m'a fait rire dans le dernier Quentin Dupieux que j'avais vu, là. Mais là, bon, il a une voix. C'est-à-dire que un style qui pourrait être intéressant. Je trouve que c'est monocorde tout le long, c'est-à-dire qu'il ne change pas son interprétation. Je ne l'ai pas senti abattu, alors à la fin il est un peu plus renformé sur lui-même, mais vu que quand il n'est pas renfermé sur lui-même, je n'ai pas senti l'exaltation. Moi, il ne m'a pas passionné, quoi. Limite, j'aurais voulu, je caricature, mais j'aurais voulu un moment presque, une sorte de Lambert Wilson qui va être démonstratif. Enfin, toi, là, je trouvais qu'il était plat, même quand il est à fond dans son sujet, quoi. Ça faisait un peu dîner bien pensant, dîner un peu mondain, où on affiche, mais sans savoir si vraiment c'est bon. C'est plus son annonce, non, mais c'est plus il ce est, qui va il autour. Est habité, il est quand même habité dans ouais, son... Bah moi, on le sent habité quand même. Si, il est... Bah, il, est il maîtrise... Il a une exigence avec tout le monde, avec... Ouais, ça ressort pas, j'ai pas trouvé que c'était transcendant. Parce que dès le début, en plus, tu vois elle. Donc tu sais pas quelle exigence il a, parce que finalement, dès le début, il est déjà avec elle. Moi, je trouve qu'on enfin, on manque de chemin, de parcours. Souvent, le film, il y a quand même une sorte de voyage d'un couple, d'un personnage, d'un point A à point B. Et là, finalement, on part d'un point A, bon, il y a une épreuve, et bon, finalement, je trouve qu'on arrive un peu au même endroit. Donc voilà, j'ai été un peu long aussi, mais... Parce qu'il m'a frustré. J'aime pas ne regarder le film comme je l'ai vécu. Donc je dis pas que c'est un mauvais film, mais il a pas su m'accrocher. Et quand j'essaye d'expliquer, de trouver des intérêts, c'est pour ça que je me suis remis des passages, parce que je me suis dit, mais merde, je suis passé trop à côté. Est-ce que parce que j'étais fatigué ou je sais pas quoi? Bah, pas plus. Mais voilà, j'en ai déjà trop dit. Ça manquait de cascades. Et c'est vrai que les seules cascades, on pouvait se dire, il y a peut-être un... Moi, je me suis dit à un moment, il y a peut-être un plat qui va tomber. Ou... Quand elle apporte à table, je me suis dit, la soupière va tomber. J'ai pensé quand elle monte les escaliers, là, c'est oui, avant oui, de oui. Dire, elle va elle remonte sa robe. Elle remonte sa robe à droite et je me suis dit, là, le... là quand avec elle apporte la bague et tout. Avec la crêpe feuilletée, avec la bague dedans. Hein. Ouais, ouais, on avait un petit peu Il y avait presque tension. Il y avait une tension. Allez, hein. Sylvia, à toi. Alors, je pense que c'est de Pierre que je suis le plus proche là sur ce coup-là parce que, effectivement, nous on l'a vu en deux fois. Mais pourquoi vous voyez les films en plusieurs fois là? C'est quoi ce histoire? Bah, c'est la fatigue, c'est voilà. Mais bref, on sait, la première fois on s'est arrêté, je pense justement un peu avant l'histoire de la poire ou juste à ce moment-là, je crois. Et jusque-là. J'arrivais quand même à trouver le film intéressant. J'étais pas sur mon téléphone. Enfin, j'ai regardé et j'étais surprise parce que j'ai vraiment regardé le film en me disant « Ouh là là, ça va être quoi ce truc ?» Et finalement, toute la première partie, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai réussi à rester concentrée sur la cuisine, sur ce qu'il faisait. Je trouvais qu'il représentait bien quand même toute cette cuisine-là. Et puis, quand on a recommencé le film, donc on a repris un petit peu avant le moment où on s'est arrêté, histoire de bien reprendre ça. Et alors là, pour le coup, j'ai l'impression de repartir sur un autre film. Et là, toute la deuxième partie, effectivement, elle est longue. Elle est longue et j'y vois plus d'intérêt. Donc pour moi, il y a vraiment deux parties. Une où j'étais plutôt confiante et où j'étais plutôt surprise en bien. Et la deuxième partie qui est plutôt de la déception. Parce qu'on l'a pas dit, mais il dure presque 2h15 hein, le film, enfin à peu près 2h15. Mais je pense que la première partie, moi j'irais bien qu'on avait vu une heure. Donc la première heure, franchement, c'était enfin, plutôt positif. Effectivement, les acteurs, quand même, globalement, ils jouent bien. Les scènes étaient bien représentées. Non, la première heure, c'était vraiment pas mal. Et puis bon, effectivement, la deuxième partie, ça se gâte beaucoup. Et puis, il n'y a plus grand-chose, en fait, je trouve, dans la deuxième partie. J'ai trouvé que, malgré tout, je me permets que Juliette Binoche manquait un peu de peps. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'était peut-être volontaire, mais je sais pas vous, mais pour moi, elle faisait malade avant même qu'on le sache, quoi. Bah, je crois que c'est le personnage fait exprès, en fait, je pense. Justement, pour montrer qu'elle est pas non plus au top de sa forme. Elle explique en plus rapidement au début que ses parents, ils sont morts jeunes, tout ça, machin. Ouais. Donc, tu sens qu'elle mais est du pas... Mais du coup, je trouve que tu... Le drame, on le voit vite arriver. Voit venir, oui, exactement. En fait, oui, mais du coup, je trouve que... Alors, peut-être à nouveau, mais du coup, t'as pas... En fait, tu t'en doutes tellement vite. Enfin, alors, je savais pas que ça allait jusqu'à ce drame-là, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas dès le début. Mais du coup, t'as pas ce phénomène un peu de rupture où... Ouah, non, là, en fait, c'est quand même... Ce côté-là, je dirais, il est un petit peu prévisible. Enfin, tu vois ouais, moi, je te rejoins sur le côté... Oui, bah, quand il y a le drame, ok, il y a le drame. Et puis, basta, émotion proche de zéro. Mais je pensais parce que avant. On n'est pas vraiment avec eux. Ça rejoint, oui, la passion de la cuisine, oui, elle est bien démontrée et elle se voit. Leur passion à eux, j'ai envie de dire bof. Et du coup, comme il ne se passe pas grand-chose, bah, quand le drame arrive, tu devrais être triste, quoi, normalement, quand ça arrive, si tu étais vraiment avec les personnages. Bah, à fond, normalement, ça, c'est bouleversant, cette partie-là, parce que lui, tout est censé s'effondrer. Et je trouve même pas que tout s'effondre à fond. Enfin, au final, c'est juste comme si sa cuisinière a démissionné, quoi. Exactement. Voilà. Et la renaissance derrière est triste aussi, du coup, je trouve. Parce que c'est, il passe quand même vite à autre chose. Bah ça, on ça, tu sais pas trop, il y a une ellipse. Il y a une ellipse, tu sais pas trop. Oui, alors c'est vrai que. Ouais, mais la gamine, elle grandit pas tant que ça. Hein. Enfin, je veux dire, non, mais il n'y a pas une ellipse de 6 ans, quoi. C'est une ellipse de quelques mois. Après, on comprend pas trop pourquoi la gamine, il avait dit non, et puis finalement, il la prend quand même. On n'a pas trop d'explications. Il n'y a pas besoin de comprendre ça. Ouais, je pense que c'est pas grave, ça. Parce qu'elle est déterminée. Il est revenu, c'est ce que son père a dit. Oui, mais comme à la fin, il n'y a rien, si tu veux, bon, ça aurait pu occuper un peu la fin du film. Non, mais son père, il dit qu'elle est têtue. Bon, bah, t'imagines qu'ils ont une conversation et qu'il l'a gardée, ou ils ont peut-être même pas eu la conversation et qu'il a décidé de la garder. Non. La petite est bien. Elle est bien, mais elle n'est pas... Non, elle est beaucoup dans l'écoute, mais elle est vraiment dans l'observation tout le temps. Elle change pas dans son personnage. Ah, son personnage, il évolue pas. Hein. Non, mais finalement, il y en a. Est-ce que c'est un reproche que les personnages évoluent pas ? Les personnages, ils évoluent pas globalement. Tu prends un film qu'on considère tous comme un chef-d'œuvre, par exemple Mad Max Fury Road. Bon, bah, les personnages au début du film, c'est les mêmes qu'à la fin. Il y a aucune évolution. Hein. Bah non, est-ce que c'est un reproche ? Non, je sais pas. Au début, il est tout seul. Il n'y a aucune évolution. Bah, il est juste écarté au bout du premier quart d'heure du film. Il est écarté. Rien que Furiosa, elle change dans le film. Quoi, bah, elle est méchante. Elle est énervée au début, elle est énervée à la fin. Enfin, elle est plus énervée pareil quand même. Moi, je trouve pas qu'il y ait d'évolution de personnage. On n'est pas censé parler de Mad Max Fury Road là. Est-ce que c'est un reproche que les personnages n'évoluent pas ? Je sais pas. Moi, l'histoire d'amour m'a plu, en fait. Elle t'a plu ? Ces conversations qu'ils ont, tu sais, il y en a peut-être deux, trois, où ils sont assis sur une... à discuter de « mais t'es pas ma femme, je suis ta femme », mais non. Enfin, on sent qu'ils se tournent autour. Enfin, alors peut-être parce que moi, j'ai un âge à être plus proche d'eux qu'à être... T'es à l'automne, toi ? Non, je pense pas être encore à l'automne, mais je me sens plus proche d'eux que de jeunes tourtereaux de 20 ans qui se rencontrent. Tu vois, je pense qu'à leur époque, on serait pas loin de l'automne. Oui, on serait peut-être pas loin de l'automne à leur époque. Moi, le film m'a plu. Il n'y a pas tellement de la passion pour la nourriture. Effectivement, on les regarde cuisiner, c'est joli. En fermant le film, je me suis pas dit, oh, faut que je me fasse un pot-au-feu. En fait, ça m'a pas donné envie de me mettre à la cuisine. Moi, j'ai clairement eu envie de me faire à manger. Et c'est vrai que là où moi j'ai eu plus de mal, c'est à partir du moment où on va le dire, hein, Juliette Binoche, elle meurt. Comme moi, j'aimais leur histoire d'amour. J'aimais le fait qu'ils se tournent autour, ces conversations qu'ils avaient là, la scène où. Un moment, la scène que t'as pas aimé, là où il dit, oh, il y a un poète chinois qui dit que je sais plus ce que c'est sur sa femme, et il dit, ah, mais attends, il y a des mots que t'as dit dans ta phrase qui sont pas exacts. Déjà, t'es pas chinois, t'es pas un poète, et puis je suis pas ta femme. Ouais. Et quand il y a la scène du banquet où il annonce, bah là, il fait un poème sur l'automne. Non, moi, je franchement, la relation, alors en plus. Alors j'ai regardé ça d'un côté peut-être un peu déviant parce que bon, c'est le seul truc people que je connais sur le film, c'est qu'en fait Juliette Binoche et Magimel, ils ont vécu ensemble en fait. Je crois qu'ils ont été mariés, en tout cas ils ont vécu longtemps ensemble. Donc c'est vrai que quand il y avait des rapprochements l'un avec l'autre, j'avais ça en arrière-pensée en fait, en me disant mais qu'est-ce qu'ils ressentent sur le plateau, qu'est-ce que... Quand il touche tes fesses, c'est en bons amis. Voilà, c'est tout bien tout honneur. Et je pense... Je trouve que le gros ratage du film, c'est Binoche, en fait. Enfin, moi, quand je la voyais dans ce film-là... Le gros ratage du film, C'est Binoche. Ouais. Parce qu'à chaque fois que je la vois, je pouvais pas m'empêcher... Alors, c'est débile, hein, parce que j'ai rien pour étayer mes propos, mais j'avais cette impression qu'elle se regardait jouer en disant « Oh, regardez, là, je mérite un Oscar. Oh, là, je mérite un César. » Et je trouvais qu'elle... Autant Magimel, mais moi j'aime beaucoup cet acteur. Tous les films où je l'ai vu, il a une espèce de naturel, des fois même de second degré, que j'aime beaucoup. Autant elle dans ce film, bah je sais pas, il y a quelque chose qui m'a gêné dans son interprétation en fait. On s'attend à ce qu'elle va mourir dans une grotte comme dans Le Patient anglais, ou enfin je sais pas. Ouais. Pourtant j'ai rien contre l'actrice, mais dans ce film-là, elle n'est pas très expressive. J'ai trouvé qu'elle était à chaque fois un peu à côté. Non mais c'est son rôle, son truc, c'est elle s'exprime au travers de la cuisine, elle a pas besoin de dire deux choses, c'est comme un artiste qui fait un disque. Oui, mais quand elle dit des choses, je sais pas, il y avait un truc qui sonnait faux, je sais pas. Non, mais ce qui sonne faux quand même, le scénario, il aide pas. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble à peu près, tu dis ils se tournent autour. Mais d'où ils se tournent autour ? Mais tu sais, attends, il y a aussi un rapport de classe. Lui, c'est un grand bourgeois qui est quand même. Alors, c'est ça, par contre, c'est un truc que j'ai aimé dans ce film-là, c'est qu'on sait très peu du contexte. On sait très peu de choses du contexte. Il a ses quatre amis qui sont toujours avec lui. Au début, t'as l'impression que c'est un peu des grippes sous, tu sais. un gang de rap. Tu sais, t'as le rappeur principal, puis il y a toujours des mecs qui tournent autour, qui bouffent les miettes du gâteau. Bah là, c'est un peu pareil. Tu sais, alors bon, tu sais que t'en as qui est, je crois qu'il y en a qui est notaire, il y en a qui est médecin. Mine de rien, c'est des rapports de classe, parce que elle, c'est quand même juste une cuisinière, et lui, c'est un grand mondain, tu vois. Donc. T'as l'impression que c'est plutôt elle qui freine que lui. Moi, je pense que c'est elle qui freine. Oui, mais on le voit sur une période. Comment ça se fait qu'on voit ça au bout de 15 ans, 20 ans ? Peut-être qu'elle sait qu'elle va mourir. Enfin, je sais pas. C'est leur fonctionnement, l'histoire de la porte. Moi, il y a un moment, je me suis dit ça. Je veux dire, elle sait qu'elle va mourir. Donc voilà, elle dit oui parce que peut-être toute la peur qu'elle a, tous les griefs qu'elle a, enfin, toute la crainte qu'elle peut avoir là-dessus, bah, elle sait que ça durera pas longtemps parce que bah, son sort, il est réglé. C'est triste, si c'est ça. Bah, peut-être. Ouais, c'est encore pire. C'est encore pire, du coup. Dans la cuisine, dans toutes les scènes de cuisine, on entend en fond sonore un paon qui hurle, en fait, qui crie. Je ne sais pas ce que c'est, le bruit du paon. Et en fait, je me suis dit, ce paon, quand ils ont tourné... ouais, c'est ça. Ce paon n'existe pas. Donc, c'est le mec au montage qui l'a rajouté. C'est Jean-Pascal Zidi, comme dans Ne coupez pas, là. Le gars au montage qui l'a rajouté. Enfin, donc, s'il l'a rajouté... Il l'a pas rajouté c'est parce que c'est non mais il l'a pas. Je me dis à un moment ils vont le bouffer ce pan. Et à la fin du film j'étais déçu parce que je me dis putain on l'a entendu pendant tout le film. Et au final il sert à rien. On l'a même pas vu. Il y a un truc que j'ai bien aimé sur le son et c'est là en fait où le thème je pensais que c'était l'érotisme, c'est qu'en fait à chaque scène où il mange t'as vraiment les bruitages genre les et les et genre en groupe donc tu sais c'est vraiment orgie quoi. Et ces scènes là pour moi je dis putain c'est vraiment carrément dans le thème de l'érotisme. Et cette partie de son là, alors elle est pas forcément exceptionnelle, enfin c'est pas exceptionnel ou pas, c'est juste ça collait trop bien au thème du film choisi. Et je dis, oh mais c'est génial, juste ça c'est génial. Ils sont ASMR là, ASMR je crois qu'on... C'est ça, ouais, ASMR. Ouais, ASMR, t'écoutes ça dans un casque, t'as une érection. Là. Ouais, mais c'est ça, exactement. Ça m'a fait rigoler ça à chaque fois qu'il y avait une scène de bouffe, quand vraiment il mangeait, il prenait des trucs, t'entendais les bruits de la chair, de la viande, des légumes, des trucs, et puis dans la bouche il croquait, ça dégoulinait et tout. Puis t'avais la sauce pareil, quand il mettait la sauce, c'était un peu, c'est érotique quand même. La cuisine, c'est vachement érotique. Cette partie-là, je trouvais ça, voilà, pour le thème, c'était bien choisi. Voilà, je donne ça à Antoine pour le choix, que ça collait au thème de l'érotisme. Bien dans le thème. Oh non, mais alors après, vous pouvez aimer ou pas le film, je pense que le film ça colle super bien au thème, par contre. Il est dans le thème. Ça. Non, mais on n'a pas dit qu'il était non, pas dans bon, le thème. Non, mais bon, des fois, hein, il nous a fait des films qui n'étaient pas tout à fait dans le thème. Là, faut non, connaître et après, ça. C'est pareil, tu vois, en regardant celui-là, je me suis... Surtout la scène du début, parce que la scène du début, elle doit durer quoi ? Peut-être un quart d'heure, 20 minutes hein, 20 minutes, ouais. Et il n'y a pas de parole, en fait. Hein. C'est un YouTuber avant l'heure qui... tu les vois cuisiner, et je me dis, mais putain, une scène comme ça, ça veut dire que quand tu les vois cuire la viande, il doit y avoir 15 bouts de viande, parce qu'ils doivent les refaire, les scènes, tu sais. T'as des mecs sur le tournage, ils ont dû bouffer de la viande pendant tout le tournage. Ça devait être une logistique, mais je serais curieux de voir comment, justement, surtout cette scène du début a été préparée. Et c'est j'ai pas fait gaffe, c'est pas tiré d'un bouquin. Non, je sais pas, hein. Je crois pas. Moi, j'ai fait aucune recherche, hein, franchement. J'ai un roman. Ah, si, un roman, si. La vie et la passion de Dodin Bouffant Gourmet, 1924. D'accord. Si, à la le base. Perso, je vais pas aller le lire quand même. Ouais, j'ai trouvé que le film faisait très film, de commande de la culture française, quoi. Hein, tu sais, il y aurait eu le logo est-ce que financé tu peux reprocher par le ministère ça, de la Culture, on met est-ce Binoche. Est-ce que c'est un reproche bah, effectivement, oui. Tu dis, tu comprends pourquoi oui, est-ce qu'il a été envoyé au César, parce que c'est à un moment, il le dit aux Oscars. Il dit, ah, aux Oscars, feu, aux Oscars. Non, mais... Oscar. Non, mais le pot-au-feu, Juliette Binoche, on va avoir un Oscar, quoi. Alors que, alors même si j'ai pas été non plus à ce point transcendé, quand même, Anatomie d'une chute, c'est quand même plus original, quoi. Ouais, je sais pas. Moi, franchement, alors après, non, je me trompe peut-être. Moi, j'ai du mal, comme de dire les films de Besson, c'est des films qui sont trop américains, celui-là, il est trop français. Enfin, pour moi, c'est pas de la critique. C'est du... Non, c'est pas il est trop français. C'est que pour moi, ce film ne laissera aucune trace dans l'histoire du cinéma, quoi. Ouais, t'en sais rien, ça. C'est... Bah, je te dis, à mon avis, des fois, on a le droit de supposer. Pour moi, il est déjà oublié, ce film. Non, mais la trame narrative. On comprend assez vite qu'elle est malade, donc on se dit ah, parce que bon, il cuisine. Après, on se dit il va y avoir une battle, peut-être il va ouais, manger. Tout à fait, ouais. Aussi, enfin, on se dit qu'il va peut-être y avoir un truc. Bah, il y a rien, ça. Il n'y a pas eu le match retour, quoi. Je m'attendais vraiment. Ouais, il y a pas le match retour, donc frustration. Donc après, on se dit peut-être que la petite, elle va machin, refrustration. Et finalement, il y a pas de. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il y a En fait, il filme toujours un peu pareil. Il y a pas d'envolée. La caméra, ça va jamais plus vite. C'est-à-dire qu'il est dans son petit rythme. C'est vrai, on est en charentaise, on est bien, mais jamais ils vont courir pieds nus, jamais ils enlèvent les chaussettes, jamais on sent le. C'est ça le problème, c'est qu'il y a pas de. Je sais pas, même quand au début le matin c'est beau quand elle cueille les légumes, tout ça, mais ça aurait pu être plus. Je sais pas. L'eau qui coule sur la. Les publicités le font bien de presque érotiser les légumes et tout ça. Là on n'a pas. J'ai trouvé qu'il y avait un. Il y a toujours cette espèce de distance. Il y a toujours un principe de mise en scène qu'on retrouve. C'est comme à l'époque. Souvent, en fait, c'est bon, côté bourgeois. Quoi. Au bout d'un moment, ça m'a, à la fin, j'en avais un peu marre. C'est que tu sais, pour te montrer à quel point la cuisine, c'est long, souvent il commence le matin et à travers la fenêtre, en fait, c'est la fenêtre de la cuisine qui te donnait une indication temporelle, en fait, tu sais, et souvent ça se finissait. Alors, ça faisait des jolis tableaux, hein, ça finissait sur une lumière, sur un soleil couchant, tu vois. Mais c'est vrai que ce principe-là, tu le retrouves dans tous les plans de cuisine, en fait. T'as l'impression qu'il passe la journée dans la cuisine, en fait. Bah ouais, non, mais c'est ça, il passe, et c'est juste en fait la fenêtre avec la luminosité à l'extérieur, enfin. Qui te donne une indication temporelle. Sinon, effectivement, tu pourrais dire oh, bah, ça va, il cuisine. C'est vrai. Heureusement qu'il y a quelques scènes extérieures pour qu'on puisse respirer, parce que c'est même étouffant la cuisine. On est tout le temps dans la. Enfin, il y a un côté presque oppressant. Ils sont dans leur cuisine, ils mijotent, il fait chaud. Et heureusement, la nature, elle est magnifiée, les champs, la verdure. Heureusement qu'il y a ces moments-là d'extérieur. Et effectivement, le film est bien, c'est très très beau, il y a rien à dire, mais c'est très très beau. Là où je rejoins Antoine tout à l'heure, c'est qu'il y a comme des portraits, comme des peintures, je suis d'accord, mais par contre dans la mise en scène, je suis désolé, il n'y a pas de mouvement de caméra, il n'y a pas de truc. Oui, les plans, il y a des beaux plans fixes, ça pourrait faire peut-être presque une belle BD, quoi, tu vois, limite en BD, peut-être tu peux en faire quelque chose, un roman graphique, mais sinon... Y a rien, quoi. Enfin, la caméra elle est posée, puis point barre, je trouve. Enfin, je sais pas. Bon, t'as le mouvement circulaire à la fin. Qui oui, bah oui, c'est le... non, mais t'as raison, c'est le seul mouvement effectivement où à la fin tu reviens et. En fait, il y a eu des romans graphiques, ou au moins un roman graphique de Dain Bouffant. Voilà. Ouais, ça me choque pas. Je peux comprendre le côté tableau, comme la nature morte, la cuisine et tout, mais. Ouais, moi je sais pas, le film j'attends, enfin le film c'est quand même cinéma, c'est des images dynamiques. Enfin moi c'est ça que j'aime. Non mais le cinéma c'est quand même dans la définition, c'est le mouvement des images quoi. On est d'accord. Là j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de mouvement en fait. Il y a des images, voilà, mais il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de musique. Des fois le mouvement il n'est pas forcément qu'à l'image, tu vas voir la musique qui va faire le mouvement. Sur un plan fixe tu vas voir, où les... j'ai trouvé que ça manquait de jus quoi, c'est pour ça que moi je me suis ennuyé en fait. Ça pourtant, manquait de peps. Pourtant, il y avait beaucoup de jus. mais si tu veux, il y avait un côté très sacralisé, parce que tout, enfin, comme c'était très religieux la façon dont on sent, enfin, c'était très appliqué, cette, enfin, la façon dont la cuisine était faite, ils étaient concentrés. En fait, c'est comme si on était, ils n'arrivaient pas. On observait ça comme la petite qui observe ça et qui après qui peut manger. Elle a la chance de pouvoir goûter à l'omelette norvégienne. Nous, on est là comme ça. Ah bon, on peut connaître le goût si on a déjà goûté ça. C'est délicieux. Je pense qu'il raconte un moment de l'histoire où le mec, il essayait des plats. Il y a tout un... C'est l'art à la française. C'est... Mais... Bon, mais il essaye des plats, il a rien. Enfin, non, je trouve qu'il n'y a pas de créativité, en fait. Ouais, il y a pas un moment il se dit il y a pas ce truc, alors on lui apporte un plat à la fin, il goûte, on sait même pas ce que c'est. Ah si, à un moment terre-mer, il parle de ça, mais tu vois, il aurait fallu ça mais tout le long du film, c'est-à-dire que qu'il fasse des recherches, qu'il fasse des après la bouffe, c'est vrai qu'avec la série The Bear, où effectivement on n'est pas dans un restaurant, on est à la cuisine à la maison, mais il y a pas l'excitation, En fait, c'est pareil, ils font leur truc, il faut respecter les procédés, ils savent ce qu'ils font. Et nous, on est admiratifs et on dit, et ça donne envie de cuisiner, ça donne envie de manger. Ça, c'est super. C'est le savoir-faire plus que la créativité. Il n'y a pas d'enjeu, bah, en fait. Comme il n'y a pas d'enjeu. C'est pas la créativité. Moi, l'enjeu, si je me dis, l'enjeu, c'était, est-ce qu'il y a une casserole ? J'en étais là. Ah, moi, je l'ai vu d'une traite. Hein. Je me suis dit, peut-être il y a une casserole qui va tomber, elle va peut-être se brûler. J'en étais là au niveau du climax. C'est vrai que quand dans un film, le climax, c'est une casserole qui tombe. Et oui, et je me suis dit, il va se brûler la langue, il va s'étouffer, je sais pas, la cuillère va tomber. Il va se brûler, j'imagine plein de fois avec la cuillère chaude, fumante et tout. Je me suis dit, ils vont se brûler un moment. Ça et on est quand même au moins deux demander si la fille allait tomber dans les escaliers aussi avec son plat. Je pense que Spielberg, il nous aurait fait un truc là. Spielberg, il nous aurait fait. Michael Bay. Ah, Michael Bay, ça aurait été pas mal. Avec les drones. Moi, je veux un remake de Michael Bay. Avec les drones dans la cuisine. Ouais. Il y aurait 4 drones. Ils s'en vont tous et tu vois, il y a un plan où ils ont laissé la casserole sur le feu, cheminée avec le feu. Je dis, putain, la maison, elle va cramer. Je me suis dit, que dalle, quoi. Oui, j'ai espéré ça. Ouais. Non, mais moi, il y a aussi un truc que j'ai aimé avec ce film. Alors, ce film, dans l'absolu, il n'est pas pour grand chose, mais il s'est présenté, on va dire, un peu au bon moment où moi, si je regarde les derniers films que j'ai vus, à part si on met de côté un petit truc en plus. C'est que des films de mafia, des films de gangsters où ça s'entretue, où ça se déchire, où ça se bat dans des champs de purins, tu vois. Et je me dis, putain, ce film, il est arrivé à un moment où une espèce de respiration, ça prend son temps. Bah oui, cuisiner, c'est long, hein. C'est sûr qu'on vit dans un monde où on n'a plus le temps de cuisiner. Ça prend son temps. Et c'est vrai que, ouais, bah voilà, il est arrivé à ce moment-là, ce qui fait que moi, j'ai apprécié cette espèce de petite virgule. Alors, je ne me regarderai pas, j'ai pas eu, à la fin du film, j'ai pas eu envie de découvrir la filmographie du réalisateur. Hein. Mais voilà, ouais, ce côté, bah allez, on se pose, on regarde la viande cuir, tu vois. Enfin, je veux dire, nous, on a un thermomix, tu fous la viande, tu te casses, tu vas faire autre chose, tu vois. Enfin, tu fais 4 trucs à la fois. Bah là, non, t'étais à fond dans ce que tu faisais. Alors oui, bon, après, on peut reprocher au film que ça manque de passion, hein, parce qu'effectivement, ça transpire pas. C'est Sylvia qui... Bah, la passion, elle est dans le titre, quoi. Ouais, c'est tout. Ça aurait mieux été la patience de Dodin Bouffant. La patience, c'était mieux. Bon. Alors, on a fait un bon petit tour, là, quand même. Hein. Je pense que les avis... Donc, il va falloir commencer à passer à nos scènes marquantes. Début et fin. Ah bah, alors... Moi, allez, vas-y, Arnaud. J'y vais tranquille. La scène que j'ai bien aimée, c'est quand ils sont entre hommes, ils sont dans une cabane forestière, j'ai l'impression. Et donc, il y a un chasseur qui a capturé des ortolans. Et donc, ils les font cuire. Il a une petite poêle, mais il y en a plusieurs. Enfin, voilà, on le voit préparer ses ortolans. Là, il met la sauce, enfin on voit le beurre qui frémit, tout ça, c'est trouver ça, on a envie de les manger. Et après, la façon dont il les mange, c'est tellement indécent que chacun mange avec la serviette sur la tête comme ça. Et j'ai trouvé cette scène presque, pour le coup, voilà, il sait pas qui. Alors je sais pas si c'est un rituel, si c'est parce que c'est interdit, c'est à l'époque interdit de chasser de l'ortolan, ils le font quand même. Parce que tu sais, après, ça a été, tu sais, c'était le plat préféré de Mitterrand, alors qu'après, ça a été interdit, tout ça. Mais il y a un côté tellement, je sais pas, plaisir honteux, voilà. Pour le coup, il y avait le mot plaisir. Et moi, j'ai bien aimé. Ils sont derrière leur truc, puis on entend juste, comme tu disais, Pierre, le petit bruit de bouche, là. Ils mangent leur truc, ils se régalent et ils sont derrière. Déjà, au début, je pense que c'est aussi peut-être pour... Je me suis dit, c'était pour sentir l'odeur, mais finalement, ils mangent tout derrière leur serviette. Et cette scène-là, un peu incongrue, m'a plu. Voilà, c'était... D'accord, j'ai trouvé ça. Scène positive. Et... Enfin, ouais, elle était... J'aurais bien aimé être à leur place, quoi. D'accord. Et comme moment peut-être moins positif. Tout le reste du film. Non, mais je sais pas, t'en as pas forcément. Non, mais j'ai trouvé que le dessert avec... Elle finit pas... Il lui fait un magnifique dessert. Elle s'en va, elle touche pas la poire. Ça vous a pas fait ça, vous, de voir ce qu'il bouffait à l'époque? Enfin, je sais pas de quoi sont constitués vos repas, mais les quantités... Enfin, à un moment, justement, quand il lui fait à manger, il y a une soupe, après il y a une salade, après il y a les poulets, après il y a je sais pas quoi, il y a du riz. Tu te dis, mais attends, mais moi, juste déjà la soupe, elle me suffit. Tu sais, Il est bien en chair, le Benoît Magimel. Ouais, lui, c'est clair qu'il a bien... Il est bien rentré dans son... Bah, tu sais, quand tu vas dans le sud-ouest, tu bouffes pour 10 aussi. Hein. Non, mais regardez, déjà, si on prend la génération de nos parents, globalement, ou un peu avant... moi, j'ai souvenir quand j'étais petite, c'était forcément entrée, plat de poisson, plat de viande, fromage et dessert quand t'invitais des gens. Aujourd'hui, c'était interminable les repas de famille. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus grand monde qui fait ça, quoi. On fait apéro, plat, dessert maintenant. C'est et ça. Un peu de fromage. Ouais, t'es apéro dînatoire, c'est plus simple, ou des repas partagés, genre raclette. Aussi, ouais. C'est plus simple. Mais ouais, et puis quand on va chez ma mère ou chez la mère de Sylvia, t'as. Entrée, plat et dessert, ouais, fromage, dessert. Maintenant, nous, quand on est que tous les deux, c'est plat et puis dessert. Hein, et puis pas par manque de temps, en fait. Hein. parce qu'on a le temps. Non, mais parce qu'on n'a même pas assez faim. Mais c'est vrai, quoi, quand je les voyais manger. Et en fait, je pense que c'est peut-être la limite du film. C'est que tu te dis, ok, c'est bon ce qu'ils font, ce qu'ils préparent. Mais moi, quand je les voyais manger, j'en étais écœuré, en fait. En me disant, non, mais là, c'est trop. Moi, je peux pas. Moi, non. Ah ouais. Alors, les quantités, peut-être pas, mais sur ce qu'ils mangeaient, en fait. Alors, vu que tu les manges pas, t'as pas la notion de quantité. Enfin, ouais. Tu ressens pas la quantité. Mais à chaque plat qu'ils mangeaient, je dis, putain, ça, j'ai envie de goûter. Ça j'ai envie de goûter. Ça, j'ai envie de goûter. Ah ouais. Bah là clairement, bah c'est ça le moi c'est ce que je retiens du film hein. Tout ce que ça montre, moi j'ai envie de goûter hein. Tout quasiment. Bon alors Pierre, vas-y, trouve-moi ta scène du coup toi. Alors positive. Moi la scène positive, c'est ce que bah enfin, ce que je vais marquant, retenir, ce en que je vais cas. Retenir. En fait, dans ce genre de film, la scène que je dis c'est ce que je vais retenir du film, c'est la scène de préparation du repas, le premier en fait, hein, celui-là, presque la scène d'intro qui dure 20 minutes en fait, où vraiment tu as toutes les étapes, tu as la recette, tu as tous les plats, toutes les préparations qui est faites, tous les trucs techniques qu'ils font, toutes les étapes de la cuisine, enfin en fait je trouve que c'est l'étalage de toute la cuisine française un peu traditionnelle, et je trouve ça super bien fait, et ça se voit que derrière, en fait je dis putain c'est derrière, je me suis dit, il y a un cuistot derrière, c'est sûr. Enfin, ils n'ont pas fait ça à l'arrache n'importe comment. Et quand j'ai vu Pierre Gagnard apparaître, donc chef étoilé français 3 étoiles, hyper connu mondialement. Ah oui, en fait, c'est le conseiller, ou voire même c'est lui qui a fait la cuisine. Et du coup, j'ai regardé. Alors, il était consultant, mais c'était un de ses sous-chefs, un de ses gars de son équipe qui faisait la cuisine tous les jours avec eux. Donc, bah, c'est presque comme si c'était lui qui avait fait la cuisine tous les jours avec eux. Et ils ont tout mangé du coup à chaque fois. Et tous les plats qu'ils ont montrés, ils ont mangé. Ils ont les gestes, ils ont elle est crédible en cuisinière. Ouais. Bah, il était là, il validait. J'ai trouvé plus lui crédible. Il validait bah, Pierre Gagnard, il était là pour donner en gros son avis sur ouais, ça c'est bon, c'est crédible, vous pouvez le garder comme ça. Quoi. Donc il y a un œil de cuistot derrière et sur la première scène, vraiment la première scène de préparation, moi j'ai adoré. Ok, et plus une réserve ou pas? Presque tout le reste, enfin j'ai pas une scène qui m'a marqué, c'est que juste le reste je m'en souviendrai pas en pas fait. Donc, Non mais on n'est pas forcément une scène marquante. Allez Sylvia, une petite scène marquante. Alors en positif, je vais rejoindre Pierre sur la première, la première grande scène. Et en négatif, mais j'en ai déjà parlé parce que je trouve ça à la fois facile et enfin je trouve que là la succession des deux images entre la poire et Juliette Binoche nue, les fesses à l'air, franchement, carrément. Je me suis dit, non, mais là, il a. Bah, c'est sûr que ça va pas avec l'esthétique du film. Je sais pas ce qu'il avait fait ce jour-là, mais en plus, fait. Oui, c'est ça, c'est pas du tout cohérent avec tout le reste. Donc, à part montrer les fesses de Juliette Binoche, ça n'a aucun intérêt. Et enfin, ouais, en plus, j'ai trouvé ça vraiment pas subtil du tout. Donc, voilà, ça, c'est la scène. Et puis, en plus, c'est à partir de là que le film devient pénible. Donc, voilà. D'accord. Alors, à moi, on finira quand même par Antoine. Ouais, moi je suis emmerdé parce que cette scène, la même scène que Sylvia, ou moi la scène de la mort, en fait c'est une scène non marquante en fait. Du coup, c'est ce qui m'a marqué, c'est que la scène marquante soit à ce point non marquante pour moi. Voilà, mais comme la plupart du film, la scène d'intro, Pierre, pour moi elle est marquante au sens où elle est chiante, elle est interminable, j'en voyais pas la fin. Donc non, moi la scène positive c'est celle où que... En fait, c'est un autre film que j'aurais c'est aimé voir, je pense, la avec la gamine. Où t'as le nom des acteurs et des. Non, mais franchement, le film est pas pour moi, mais pour moi, il y a des fois des films qui sont pas pour soi, et pourtant, on arrive à y trouver un intérêt. Et je trouve que souvent, c'est des films qui sont forts parce que on peut en avoir plaisir de parler d'un film qu'on n'a pas eu plaisir à voir. Moi, ça peut m'arriver. Hein. Des fois, il y a des films que je vais voir au ciné, je dis putain, j'ai pas aimé, mais j'ai plaisir à en parler. Là, celui-là, j'ai pas. Alors, c'est pas non plus une merde où tu te dis j'ai pas de plaisir, mais. J'ai pas ce que. Ouais, j'aurais aimé autre chose, quoi. Parce que le film, il fait 2 heures. Combien tu m'as dit 2 heures ? Trop long. Et il y a quasiment. Combien de temps dans la cuisine ? C'est vrai que c'est. Oui, mais. Ça se passait l'endroit principal. C'est ça, la passion. Ouais, j'ai une frustration, moi, c'est la gamine, quoi. Je pense qu'il y avait du potentiel. Ta scène marquante, c'est celle de la gamine qu'on n'a pas vue, du coup. Bah, on la voit 30 secondes, voilà, donc c'est ma scène. On la voit plus, la fille, mais bon. Non mais à la fin, je parle de la deuxième partie où il fait le pot au feu là à la fin. Bah ah oui, quand elle goûte le saint moelle et il lui dit t'es encore trop jeune. Vraiment, il lui fait boire du pinard quand même. Bah c'était une autre époque. Bon allez Antoine, toi, scène marquante. Bah voilà, ma scène préférée c'est celle que Pierre a trouvé ridicule, c'est le repas en fait. C'est le repas que lui prépare quand tu lui fais sa déclaration d'amour en fait. Toute la j'ai aimé cette inversion des rôles en fait où c'est la cuisinière qui devient qui devient, on va dire, la personne à servir, et puis c'est le notable, c'est le bourgeois qui devient le cuisinier. Ouais, mais tu comprends qu'il maîtrise déjà la cuisine parce qu'il n'aurait jamais fait ça du premier coup, sinon. Ah oui, non, mais de toute façon, tu le vois parce qu'ils cuisinent ensemble. Tu vois. Moi, c'est aussi ce que j'ai aimé. Alors, c'est voilà, c'est que tu te dis, au début, je me dis, mais c'est qui c'est... Donc, lui, tu comprends que c'est un bourgeois. Elle est quoi pour lui, enfin, tu comprends qu'il y a plusieurs rangs sociaux qui les séparent, tu vois, mais que, bah, il se met quand même. Il traîne dans la cuisine avec la cuisinière, tu vois, alors que je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup de chats, enfin, beaucoup de. Je sais pas, de bourgeois, je sais pas comment on doit dire. Qui ben, la cuisine, c'est pas pour eux, tu vois. Ouais, enfin, lui, il est connu pour sa cuisine. Oui, aussi, oui, non, mais lui, c'est son truc, c'est sa passion, oui, oui. Donc, moi, j'ai aimé cette espèce de déclaration d'amour qu'il lui fait qui se ponctue par cette espèce de dialogue. Alors, c'est dommage, j'ai oublié ce que dit le chinois, mais où elle lui répond que, ben, déjà, un, il n'est pas poète, deux, il n'est pas chinois, puis trois, c'est pas sa femme. Et quelques plans plus tard, quand ils font sa déclaration. Bah là, il lui déclame un poème sur l'automne. Non, moi, ça, j'ai trouvé super beau, en fait. Enfin, après, les points négatifs, ben, moi, c'est Juliette Binoche, dès qu'elle parle, sauf dans la scène que j'ai aimée, parce que je trouve qu'elle dit quelque chose de pertinent, mais quand elle s'évanouit dans son arbre, là, sur son arbre, je me dis, oh là là, elle va nous faire une Marion Cotillard, je sens bien. Et puis, quand elle refait un autre malaise et qu'il y a les deux médecins, elle dit « Ah, mais regardez, je vais bien. » Enfin, je sais pas, je l'ai toujours trouvé à côté de la plaque. Enfin, ou alors, peut-être pas la bonne actrice pour jouer ce rôle-là. En fait, je crois que j'ai du mal à voir Juliette Binoche en servante. Bah, tu sais, dans Le Patient anglais, elle a, entre guillemets, pour dire qu'elle est servante, mais elle a un rôle un peu proche du terrain aussi. Et pourtant, ça lui va très bien dans Le Patient anglais. Et pourtant, elle a un peu ce rôle-là malgré tout. Peut-être dans la perception, Le Patient anglais, on la connaissait quand même ouais, moins maintenant. Ouais, on la connaissait maintenant. Tu sais, c'est comme elle a fait un film où Sriam, là. Elle joue les femmes de ménage, tu sais. La reporter. Ouais, je sais pas. C'est peut-être ce qui me gêne chez elle, en fait. C'est que t'as l'impression que c'est la grande bourgeoisie qui veut se mettre... qui veut avoir des rôles du peuple, tu vois. Enfin, je sais pas. Il y a un truc, moi, que... Toi, Catherine Deneuve, elle joue la bourgeoise et c'est une bourgeoise, je pense. Et voilà, enfin, tu vois, Juliette Binoche, elle a cette espèce de je fais partie de la haute, mais j'ai quand même envie, je sais pas, je trouve que ça. Je pense que vous pouvez me trouver d'autres acteurs ou d'autres actrices qui ont exactement le même comportement chez qui j'accepterais, mais je sais pas. Juliette Binoche, moi, il y a un truc, je sais pas comment le verbaliser, mais il y a un truc qui me gêne. Enfin, je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Oui, je l'ai entendu en plus parler à la. Avec Meryl Streep là, à Cannes, là, à l'ouverture. Oh là là, pff. C'était chaud. Hein. Bon, très bien. Bon, l'heure est venue de noter ce film sur notre échelle de... Comment on appelle ça l'échelle? Comment une analogie avec la cuisine? Sur l'échelle des... Des étoiles du guide Michelin. Ouais, voilà. Ah oui, tiens, on pourrait être pas original. Pas d'étoile, une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Ah ouais, tiens, c'est original. Ouais, bah tiens, on va adapter la notation... Donc on va aller de... Allez, il faut, bah, faut 0 4, à 3, parce hein. que sinon ça fait trop de trucs moyens. De 0 à 3 étoiles. Voilà, alors Pierre, combien mets-tu d'étoiles à ce petit menu du d'Audin Bouffon? Ah bah 0. Hein, hein ouais. Ah, mais 0 les étoiles, attends, on fait l'étoile Michelin, faut les mériter. Attends, les étoiles, ouais, les étoiles c'est, Michelin. C'est du hop, c'est du top level. Hein, donc. Bon, une petite toque Goemio alors. Ah mais si toi tu mets 0 après tout ce qu'on a dit et tout ah bah ce que t'as dit de positif. Comparé aux étoiles Michelin. Attends, les étoiles Michelin. Il y a 0,01% des restaurants qui ont des étoiles. Du guide du routard. Alors, étoiles, donc, du guide du... alors bah, sur l'avis Google. 1% des restos qui ont des étoiles. Quoi, non mais attends, l'avis Google. L'avis Google. Ah, TripAdvisor. De 0 à 5. L'avis Amazon. TripAdvisor. Tu vas de 0 à 5. Je mets 1. Allez, je mets 1. Ouais, TripAdvisor. Ah oui. Ah oui, t'es quand même... Toi, t'es un petit enfoiré parce que tu dis du bien ouais, et derrière. Je dis bien, je mets un. Ouais. t'as dit que pendant une demi-heure, bah t'avais oui, mais... un orgasme alors, culinaire. Oui, je mets un pour ça. Mais le reste du film, c'est quand même trois quarts du film. Bah, alors, si je devais... Attends. Putain, entre, pour moi, c'est entre. Monsieur c'est est entre, compliqué à satisfaire. Il deux. A un orgasme culinaire et il met un. Bah, mais ça a duré qu'une demi-heure, quoi. Même pas, ça a duré 20. Attends. Je corrige ce que t'as dit. Je une demi-heure, ce que t'as c'est dit. Pas t'as mal. Hein. J'ai dit 20 minutes, j'ai pas dit une demi-heure, j'ai dit 20 minutes. Du coup, 20 minutes sur 2 heures, sur 2h15, 20 minutes sur 2h15, ça fait 20%, même pas 15% du film. Donc, une étoile, c'est bien. Ah ouais, bah putain. Alors, juste. Bon, ok, monsieur est dur en affaires. Pour monsieur notre est dur en affaires. Pour expliquer, Antoine, sur TripAdvisor, t'as 5, c'est super, et 1, c'est vraiment pourri. C'est, voilà. Donc, c'est de 1 à 5 maintenant, c'est plus de 0 ouais, donc... à 3. Ah, c'est de 1 à 5 du coup, il faut savoir. Bah, je mets 2 alors si c'est de 1 à 5. En même temps, vous changez votre référentiel tout le temps. Moi, je peux rien comprendre. Moi. Bon, alors 2. 2 pour l'ami Pierrot. Donc 2 sur TripAdvisor. Allez, qui 2 aussi, ouais. Toi aussi, tu mets 2. C'est tout 2 et demi. Non, bah 2 ou 2 et demi. Tu mets la moyenne. Bon, ouais, t'es... bah et 2. Il n'y a pas de moyenne. Allez, 2 et demi. C'est toujours une moyenne. Demi, quoi. Allez, moi je. C'est qui, c'est sa femme ? Moi je vais mettre 1. 1, mais. Hein, parce que en gros ils m'ont fait des champignons et je suis allergique aux champignons. Ça veut pas dire que le plat était mauvais, mais ça veut dire juste que. Il y a quoi comme champignons ? Mais non, mais c'est une métaphore. Moi, je suis allergique aux champignons. Bah, je suis allergique à ce type de film. Mais en fait, est-ce que je suis pertinent pour juger un plat aux champignons alors que je n'aime pas les champignons ? Non. Donc, je resterai humblement. Je mets une étoile, mais en mettant vote non valable. Moi, je vais mettre. Mais bon, il compte quand même. 2 sur 5 aussi. 2. 2 sur 5. Ah, il reste Antoine. Antoine, c'est toi qui peut faire passer la note à 2. Alors, guide Michelin, je mettrai une étoile. Oh bah. Ah si, parce que moi j'ai trouvé des qualités au film. Enfin, je veux dire, une étoile au guide Michelin, c'est déjà bien. Bah, c'est carrément bien même. Et tu vas pas moins bien le noter sur TripAdvisor. Excuse-moi, on n'a pas les mêmes valeurs, donc je connais pas trop l'échelle TripAdvisor. Ah, excuse-moi de côtoyer bah, écoute, la référence du peuple et que toi tu côtoies Michelin. Je sais pas, 2,5, non, on peut pas mettre. Je pense que si t'allais dans un resto notes, gastro, là, tu digères bien avec un film. Je vais pas lui mettre, la moyenne. De quoi, bah, mais lui, 3 sur 5. Ah, mais 3, c'est... Bon, ah, 3 sur 5, c'est la moyenne. Hein. Bah non. Ouais, 3, ça compense avec les 2. 12 sur 20. Okay. Donc. Ouais, 12 sur 20. C'est un film qui reste très moyen, mais bon, on en a quand même parlé, on a pris le temps de parler du film, mais finalement, c'est pas là l'essentiel. C'est comme la cuisine, c'est-à-dire que finalement, on s'en fout que le plat soit bon ou pas. Excuse-moi. C'est quand même la bah fin. Bah si, il y a aussi un côté de ça. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est comme on va revenir à l'analogie, c'est la montée du désir. C'est l'assouvissement, le cadeau à Noël. Qu'est-ce qui est le plus beau ? C'est au moment où tu vas ouvrir le cadeau. Ouais, c'est pas attends, une fois que tu l'as si ouvert. Si tu vas dans un restaurant étoilé, ouais, au guide Michelin par exemple, si le plat il arrive, eh ben, qu'il est joli et tout, non, et que quand tu goûtes c'est pas bon, je suis désolée, niveau plaisir, non, c'est moyen. Je suis désolée Sylvia, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que des fois, le moment le plus intéressant, c'est tu sens les odeurs dans le resto, tu as le menu et tu vas fantasmer, tu as la dalle en plus. Et en fait, tu fantasmes alors qu'au bout de l'entrée, tu as déjà plus faim pour le plat. Mais en fait, ton plat, tu l'as déjà savouré, tu as eu la montée du désir quand tu lisais le menu que tu avais faim. Tu dis « Ah, oh, je vais me prendre ça et puis ça ». Et puis en fait, tu t'es jeté sur les 3 gougères du début, tu as bu de l'eau, tu as mangé 4 morceaux de pain et tu n'as plus faim quand le plat arrive. Mais la montée du désir était là pourtant. Sur ces bonnes paroles. On va pas en faire tout un plat. Hein. Non, on va pas en faire tout un plat. Alors justement, c'était notre plat principal. Je vous propose pour le petit dessert un petit truc qui sort des films que vous faites. Un petit dessert qui vous dit tiens, une petite saveur sympa, sucrée, que j'aimerais en faire profiter les autres. Profiterolle, toi, il y a un peu, toi. Ouais, presque ouais. Jeu de mots. Quelle est votre petite profiterolle ? Ouais, je vais commencer, moi. Ciné ou pas ciné. Moi c'est cinéma. Enfin non, c'est Netflix. On va voir le même. Ah non. Non non. C'est alors attends, déjà t'as dit deux choses qui. Je suis désolé, je veux pas être méchant. T'as dit ciné et tu dis derrière bah, Netflix. Ah c'est presque pareil. Là, bah, déjà il y a quand même. C'est presque pareil. j'ai dit justement. Bah en fait c'est un film de cinéma à la base qui est pas sorti en France, qui est sorti directement sur Netflix, puis alors qui est sorti en fond de catalogue, hein, donc personne n'en a entendu parler. Et qui s'appelle Adagio, film de Stefano Solima. Celui qui a fait entre autres Gomorrah, je crois qu'il est le réalisateur aussi de Sicario 2, alors celui-là je ne l'ai pas vu. Oui. Et qui a fait aussi la série 000 que je recommande à tout le monde. On est dans un film noir très classique. Hein. Alors ce que j'ai aimé moi dans le film, c'est qu'au début les personnages sont caractérisés, on a une certaine idée des personnages et au milieu du film ça change, donc les méchants ne sont pas vraiment les méchants, le gentil. Celui qu'on prenait pour un crétin, c'est pas vraiment un crétin. Non, enfin, moi, j'ai aimé ce mélange des cartes. Le film se passe à Rome. Alors, Rome, on le sait très tard qu'il se passe à Rome, mais dans une ville qui est dévorée par les flammes. Aux alentours. Ouais, la périphérie de la ville. Et on est dans un monde un peu crapuleux. Donc, on a, si vous vous intéressez un peu au cinéma italien, on a Tony Servillo, qui est un acteur que j'ai vu, moi, souvent sur les films de Paolo Sorrentino. Mais on a aussi Pier Francesco Favino, qui était cette année dans le jury du Festival de Cannes. Et il est dans ce film, mais monstrueux. Moi, je ne l'ai pas reconnu, en fait. C'est en entendant un podcast en parler que je me suis dit, ah putain, mais c'est lui, en fait. Enfin, Et voilà, donc si vous aimez les films noirs, c'est une formule, c'est vraiment très basique, hein. Y a rien de nouveau, c'est du classique, mais putain, c'est fait avec une telle maestra que moi j'ai adoré le film. J'ai commencé à le regarder à 10h, j'arrivais pas à dormir, et je me suis laissé happer par le film, donc voilà, c'est sur Netflix. Sylvia ? Eh ben écoute, on a été au ciné voir un petit truc en plus. Je trouvais ça tout mignon comme film, en fait. Bon esprit, j'ai envie de dire. De temps en temps, ça fait aussi du bien d'aller au ciné et de voir pas que des films où il y a du sang, où ça se tape dessus. Voilà. C'était un film, je pense, sans prétention. Alors, on n'en attendait peut-être pas non plus grand-chose. Du coup, quand on y a été, on y a été un peu en se disant « oulala ». Je me permets d'intervenir. On y a été, je pense, dans la pire des conditions. C'est-à-dire qu'on fait partie, nous, maintenant, de cette catégorie de gens qui allons au cinéma deux ou trois fois par an. Donc quand on y va, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Événement. Ouais, non, mais c'est surtout qu'on va voir le succès du moment. Voilà, fait. C'est pas ça, c'est qu'on va voir celui déjà où les deux sont d'accord pour aller le voir. Quand non, mais moi aussi. Moi tu crois que j'étais d'accord pour aller voir une comédie française, j'y suis allé avec un nombre de préjugés. Mais c'était soit ça, soit La Planète des Singes, et La Planète des Singes, j'avais un nombre de préjugés aussi dessus. Ah, c'est fou. Ah, vous avez pas fait le mauvais choix, hein, si je peux me permettre, vous avez plutôt fait le bon. Vas-y, je te laisse continuer. Oh ! Non mais voilà, franchement, un film où il y a des moments donnés où on rit avec eux, des moments avec un petit peu d'émotion, enfin, et puis ouais, une bonne ambiance entre eux. On a l'impression en tout cas que c'était fait avec bienveillance tout ça, et donc c'était un bon moment. On n'a pas vu le temps passer, et rien que pour ça, c'est déjà pas mal. Je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai caractérisé au boulot, je l'ai recommandé. Moi, j'y étais tard et la séance était pleine. En fait, j'ai été surpris mais agréablement. J'y étais la semaine dernière. Et après, au boulot, je suis revenu, je dis, il faut que vous voyez ce film. C'est pas un bon film. Enfin, je pense même que c'est un mauvais film, mais au sens vraiment brut du terme. C'est le scénario, il est prévisible, il n'y a pas d'idée. Mais c'est un film qui fait tellement de bien. Tu peux pas dire qu'il est mauvais, c'est ça, j'arrive pas à comprendre. C'est un petit film, en fait. C'est un petit... Je veux dire, tu vas voir un film, tu prends du plaisir. C'est que le film, il est réussi. Oui, mais pourquoi ce que je veux dire, qu'il c'est est mauvais. Je trouve que le scénario, il est catastrophique, et pourtant, ça passe. Mais c'est qu'il est pas si catastrophique. Mais là où je le rejoins, c'est que c'est prévisible. Voilà, il y a rien de. Le film, si tu l'analyses, je veux dire, On est d'accord, on est plus proche du téléfilm que du film de cinéma. Mais est-ce que ça en fait un mauvais film pour autant ? Non, mais comprends ce que je veux dire. Tu fais pas. Je le défends le film. Hein. J'ai incité les gens à le voir. Je veux dire, si tu l'analyses, le film. Je veux dire, c'est pas un grand film, c'est pas ultra bien joué. L'histoire, elle est téléphonée, mais à un point. Et je pense que le film, il bénéficie de son aura. C'est-à-dire que le Festival de Cannes, la période qu'on traverse, où c'est que négatif, la guerre, le truc. Et en fait, c'est un film qui fait du bien. Ouais, c'est ça. Les gens en ont besoin en ce moment. En fait, j'ai aimé l'histoire autour de ce film. En plus, il y a eu le côté. Les élections le 9 juin, tout ça. Et oui, du on coup, a besoin de ça. On a en fait, besoin d'amour. J'ai adoré. On a besoin d'universalité. En tout cas, moi, je l'ai adoré. Mais ce film, il faut être capable de dire... Si tu recommandes à quelqu'un en disant « Ah, va voir la comédie de l'année », non, tu rigoles pas tant que ça. Ah non, c'est d'ailleurs, j'ai plus eu les larmes aux yeux que le rire, hein, moi, dans ce film. Mais là, moi, je trouve que c'est un film, il est mignon, ce film. Enfin, peut-être que dans un an, on l'aura complètement oublié, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. On a passé une heure et demie ou deux heures. Exactement, c'est bien. Mais je suis entièrement d'accord. On n'oubliera pas l'arbre. On n'oubliera pas ce chalet... On n'oubliera pas. Le petit truc en plus, j'ai retenu. Enfin, j'ai trouvé beau ce moment-là d'ailleurs qui donne le titre au film de. C'est quoi ce petit truc en plus ? Et non, mais que. En fait, j'y trouve des qualités. Non, mais il faut que tu te poses des questions sur toi-même. Hein. C'est que tu reproduis, tu retrouves que ce film est bien, tout en disant que il est pas bien. C'est non, ça tu peux est... dire oui. Que le film t'a passé un bon moment en disant que c'est pas ni le scénario du siècle. Mais on ni... s'en fout. Un film, c'est pas que. Mais c'est... si, quand tu vas au Festival de Cannes, il aura jamais. Allez, tiens, on va revenir à Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road, il a pas le scénario du siècle, hein. Non, parce que Antoine. Non, mais on l'a tous dit. Le scénario, tu vas d'un point à un point B, il revient. J'ai lu ce scénario. Non. Parce que je pense, ce film, tu le sors à une autre période, dans un autre contexte, il ne fait pas ça. C'est-à-dire que là, c'est un film qui tombe aussi au bon là, moment. T'extrapoles. On a besoin de ce film-là. Oui, mais regarde, Intouchable, c'était un film sur les handicapés. Les Ch'tis, c'était un film sur les handicapés. Les gens du Nord, tu vois, à chaque fois, c'est des trucs sur les handicapés. Les Bronzés, c'est pareil. Hein. Enfin, bon, enfin, non, mais en tout cas, je valide. Avatar, c'est des handicapés, excuse-moi, ils sont grands avec leur truc. Non, c'est mais encore. Je valide en tout cas le petit truc en plus et je suis content qu'il marche bien. Star Wars, n'en parlons pas. Bon, alors, attends, c'est à qui, là ? On a fait le tour, Pierre ? Oh, moi, j'ai rien, donc... Lui, il a un petit truc en moins, Pierre. Il a pas de recommandation. Tiens, moi, je vais le faire, c'est toi qui vas finir aujourd'hui. Moi, j'ai une série que, pareil, au début, quand j'ai vu le premier épisode, j'ai pas compris tout le battage qui en était fait. Et finalement, c'est ça qui fait que c'est une bonne série. Pour moi, c'est des séries où petit à petit, tu y trouves l'intérêt et qu'il faut se forcer. Petit faut un à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais, c'est Shogun qui est sur Disney+. Tout en japonais d'ailleurs, pratiquement. Au début, ça m'a freiné un peu, mais... Les japonais parlent japonais, les anglais parlent anglais, enfin la plupart. Oui, mais du coup, bon, déjà, je trouve qu'il y a un respect de ça et c'est bien parce que c'est atypique. Et non, c'est vraiment... Tu l'as vu, toi, Pierre, la série ? Ouais, j'ai vu. Eh ben franchement, c'est une série où au début, j'étais... Parce que tout le monde disait, ouais, c'est la série, la meilleure série de Disney et tout, donc j'y étais. Bon, premier épisode, bon, j'étais un peu, ok, c'est pas si mal et tout. Et au final, vraiment pris un grand... Moi, qu'est-ce je comprends fais, pas tout le battage médiatique. Alors, la série est bien, mais alors, oui, en effet, si tu compares aux séries qu'il y a eu sur Disney avant, il n'y a pas eu grand-chose, donc c'est facile. Non, mais pour moi, la série n'a rien d'extraordinaire, enfin, n'a rien de chef-d'œuvre, en fait, pour moi. Ah ben, j'ai pas dit que c'était un chef-d'œuvre, hein. J'ai pas dit que c'était un chef-d'œuvre. Hein. C'est bien, mais sans plus. Moi, c'est ma recommandation. Oui, okay. Et toi ? Alors, Marcon de Marceau, c'est dont je te parlais tout à l'heure. C'est un documentaire qui est sorti au cinéma. Il est encore à l'affiche, d'ailleurs. Ça s'appelle L'homme aux mille visages. C'est sur une arnaque, non ? C'est pas une arnaque Tinder ou je sais pas quoi, là ? Une journaliste qui mène l'enquête auprès de femmes qui ont vécu avec un mec. Et en fait, elles s'aperçoivent qu'elles sont très, très nombreuses. Et le mec, à chaque fois, il s'inventait un personnage, en fait. Il disait qu'il venait du Venezuela. Il disait qu'il était chirurgien. Il disait qu'il bossait chez Peugeot. Il avait une vie en Pologne. Il avait une vie en Espagne. Il avait une vie dans plein de pays. Et il est assez fascinant parce que c'est comme si c'est un mec avec plusieurs personnalités. Et il vivait dans un... Enfin, je sais. Enfin, moi, j'ai pas de maîtresse. Enfin, même à l'époque, quand j'étais en couple, j'avais pas de maîtresse parce que même retenir deux noms de femmes pour pas, j'arriverais à me tromper, tu vois. Donc, mais lui, je sais pas. À chaque fois, il invente une histoire. Il s'invente un personnage. Il a même pas forcément le même nom avec chaque femme. Et c'est assez fascinant parce que le film avance et même à la fin, elle arrive à le retrouver. Et pour un prétexte qui n'a rien à voir, elle l'interview. Et donc, après, on a le mec en face. Et il est vraiment très fascinant parce que même l'une des femmes qui arrive à découvrir la supercherie, parce qu'il est sur des réseaux sociaux, il a des avatars différents. Il s'adapte en plus. Il s'adapte aux différentes femmes. C'est-à-dire que quand elles discutent après entre elles, eh ben, il est très taiseux avec l'une, il est très bavard avec l'une, il est religieux. C'est comme si c'était un très très bon acteur mais qui n'a jamais fait de film, et en fait c'est le film de sa vie, en fait toute sa vie c'est un film, et il au travers des femmes, et je pense qu'en plus il les aime, ces femmes, mais il y en a beaucoup, et il s'invente tous ces personnages, et le film, c'est pas un film qui doit être très très long, mais ça se regarde, c'est assez fascinant parce que ça parle ça parle peut-être un peu de notre société, ça parle du couple, ça parle de la croyance, parce qu'elles ont envie de croire à ces histoires, même si ça paraît énorme. Il y en a une qui va lui faire un gâteau, parce qu'il va avoir, il est chirurgien dans un hôpital, et il invente des preuves aussi, il invente des trucs, il se donne du mal, il fait des fausses fiches de paye, c'est vraiment fou. Et il est chirurgien dans un truc. Et donc, sa femme, elle va lui faire un gâteau. Il prend le gâteau, mais le gâteau, il va l'offrir à une autre femme qui est en Pologne, parce que, sous prétexte... Enfin, c'est assez, assez fou. Puis, il s'invente des voyages qu'il ne fait pas. Parce qu'il y a aussi des... Un mytho, quoi. Voilà, mais d'une... Mais vraiment, vraiment très, très impressionnant. Et... Par contre, tu fais bien semblant d'avoir vu les films. Moi, tu m'impressionnes toujours à chaque podcast. C'est un métier. De lire le podcast, c'est un métier. Le résumé sur Wikipédia et d'en parler comme c'est ça pendant un métier, une heure. C'est un métier. Tu sais, des fois, les spectateurs qui sortent du cinéma me parlent d'un film. Je sais pas, moi, peu importe le film. Et chacun me parle de son ressenti. Ce qui fait que moi, c'est même mieux parce que je vois le film que chaque... Plutôt que de voir juste le film à ma façon, je vois le film d'après les gens. Et c'est fort. Et après, c'est vrai que... Toi, t'es l'homme aux 1000 spectateurs, toi. Ouais, moi, je suis l'homme aux... À 1000, t'enflammes pas. Voilà. Bon, bah, quand même. Ah, si, on a... Bah là, quand on a passé un petit truc en plus, ce qui était rigolo, c'est que les gens venaient voir le film. Et tu sais, il y avait tous les âges. Et les gens me disaient, on vient voir le film. Je leur disais avec Artus. Et le mec, il me regardait, Artus, et qui... Je disais, le petit truc en plus... je sais pas comment ça s'appelle. Les gens des fans ne savaient même pas ce qu'ils venaient voir. Et après, en rigolant, parce que bon, tu sais, on a eu des séances avec 160, 200 personnes, donc tu sais, c'est stressant quand t'es tout seul à la caisse, puis que les gens arrivent et que tu vas dire c'est complet, et que les gens vont t'étrangler. Et les gars, Les gars, à la fin, je leur disais en plaisantant, vous venez voir le film qui marche ? Oui, le film que tout le monde veut voir, oui, c'est ça. Vous venez voir le film qui fait du bien ? Oui, le film qui est rigolo ? Oui, oui, tu sais. Voilà, eh ben, il y a un peu comme... film-là voilà. qui marche. Et je trouve que ça clôt bien le truc. Non, non, mais c'était pour dire que c'est un peu comme les ch'tis, où les ch'tis, ils n'avaient pas vu le film. Les gens, ils étaient déjà à la caisse. Eh, Biloud, comment ça va ? Tu vois, c'est que les gens, ils ont envie de se marrer. Ouais, et ça prouve bien que le cinéma, c'est l'expérience collective. Oui, mais tu vois, le Bienvenue chez les Ch'tis, moi, je l'avais loupé à l'époque. Quand je l'ai revu, je sais plus, j'ai dû le voir un an après. Quand tu l'as vu, ouais. Ça a été une déception. Et je pense qu'un petit truc en plus, ça peut être ce genre de film où tu vas le voir dans un contexte, tout le monde va le voir et tout, c'est sympa, parce qu'il y a, il y a un côté collectif. Moi, je l'ai vu tout seul dans la salle. De quoi ? Le film, et j'ai quand même bien rigolé. Oui, après, mais tu disais tout à l'heure qu'on va l'oublier ce film, s'il cartonne, on va pas l'oublier parce que déjà on retiendra juste non, le box-office. Tu vois. Va l'oublier. Je veux dire, les ch'tis, ah oui, oui, non, pas, moi j'ai jamais revu. Hein. Mais en tout cas, on en parle toujours parce qu'il y a eu un mouvement collectif effectivement à une période et tout le monde s'en souvient. Donc effectivement, Mathias, quand on lui parlera des ch'tis, il va nous regarder, il aura un truc de vieux. Truc de boomer. Ouais, c'est possible parce que le film n'est pas extraordinaire, hein, faut dire. Ok, bon, bah, je pense qu'on a bien... On a bien mangé. Nous sommes rassasiés de cinéma. Donc, non, du enfin, coup, ça veut dire que la prochaine fois, c'est donc Pierre qui a le droit de rechoisir un film vu que son film a disparu dans les méandres de notre PC. Dans les limbes de l'Antarctique. Et c'est qui avait choisi pour Pierre ? C'était Antoine, mais on garde le même thème, du coup, ou un autre thème ? C'était quoi le thème, attends, déjà ? C'était « J'aimerais voir ce film culte que je n'ai jamais vu oh, ». C'est dur d'en prendre un autre, quoi. Ah, c'est dommage, parce que l'échange était bien sur The Thing. En tout cas, moi, je suis content de l'avoir découvert à ce moment-là. Est-ce que t'avais... Non, mais est-ce que, Pierre, t'avais une hésitation qui fait que tu peux reprendre ce thème-là ? Ouais, j'en ai d'autres, mais ça sera moins bien que celui-là, je pense. Est-ce que tu veux un autre thème ? Bah, après, on n'est pas obligé de décider ce soir. De toute façon, on va espérer que le montage peut se faire, que, chers auditeurs, auditrices, vous avez pu nous entendre, profiter de ce moment d'échange. Et puis, bah, on se dit à bientôt, déjà. Et puis, Pierre, on te trouve une contrainte d'ici là. Pour un bon film, si possible. Allez, ciao. Allez, bah, bonne soirée. Bonne soirée, bisous. Bonne soirée.